Docteur Kaplan, bonjour. Bonjour docteur, je suis Madame Guiraud. Ah oui, bonjour madame. Vous avez un problème ? Ben oui, j'ai une dent qui me fait très mal. Je n'ai pas dormi cette nuit. Vous ne pourriez pas me prendre en urgence ? Attendez, je regarde. Vous pouvez venir à midi ? À n'importe quelle heure. D'accord, à tout à l'heure. Vous attendrez peut-être un peu. Je vous prendrai entre deux patients. Merci beaucoup, monsieur Kaplan. C'est très gentil.